94.2 Service Compris. L'émission qui vous réveille. Sur Fadjet. Et oui, Fadjet sur internet, sur le www.fadjet.net, vous pouvez réécouter cette émission en podcast. Vous pouvez aussi aimer notre page Facebook. Et il est 7h41 et nous sommes avec Coralie Pellier, c'est ça ? C'est ça. Bonjour. Vous êtes chargée de communication à la Tota Compagnia. Oui. Et nous allons parler de la deuxième édition du festival Les Rancards d'automne. Alors la Tota Compagnia a eu l'idée de ce festival. Elle n'était pas toute seule. Non, elle n'était pas toute seule. Ça a été aussi organisé par la MJC de Toul, le territoire nord-toulois, la communauté de communes de Toul, le territoire emprunt, donc les Francas. C'est une collaboration entre ces différents acteurs qui se réunissent autour d'un même projet pour organiser des festivités dans tout le Toulois et sortir un peu de Toul et faire des événements aussi autour. Et donc, alors justement, quelles sont ces activités et quel est le but ? Parce que j'ai vu que ça allait de 2 ans à 18 ans. Oui, voilà, c'est un festival jeune public, donc de 2 à 18 ans. Le but, c'est de montrer une foule de variétés d'activités artistiques. Donc, il y a des contes, de la musique, du théâtre, de la marionnette, du cinéma. Il y en a pour tous les goûts. Bon, ça va de 2 à 18 ans, mais bien sûr, les adultes peuvent venir avec leurs enfants, ça s'adresse aussi à eux. De toute manière, je pense qu'on est tous de grands enfants, donc on a une âme d'enfant. Voilà, il n'y a pas de raison que ça plaise pas aux adultes aussi. Donc c'est aussi le but, c'est aussi de réveiller l'âme d'enfant des adultes. Oui, aussi entre autres. Voilà. Oui. Alors des grands points forts, par exemple, qui vont se passer. Bah, des grands points forts, il va y avoir le grand concert d'Ecolalie le samedi 29. Donc Ecolalie, c'est un rocker pour enfants. Il fait des chansons un peu éducatives à destination des enfants. Et donc ça se passera à 16h à l'UC. Il y a le spectacle Poids le dimanche 23 de la compagnie Sans se cacher. Donc c'est une adaptation de La princesse au petit pois, assez décalée, humoristique, dans un décor métallique. Il y a aussi 1, 2, 3 pas à pas qui est de la danse contemporaine par Susanna Marcellino. Donc là, elle a mis une démarche en route très intéressante. Elle fait jouer les enfants. Ils doivent deviner le nom de ces danses, par exemple équilibre, saut. Donc elle danse. Des mots qu'ils doivent deviner. Ils ont 30 secondes pour deviner. Et il y a 7 petites chorégraphies comme ça. Et c'est un jeu de devinettes assez intéressant. D'accord. Toutes ces activités se passent donc dans le Toulois, si j'ai bien compris. Oui, alors ça se passe à Domèvre-en-Haye, à Lucé, à Tremblecourt, à Toul, à Royaumé, à Lé-Saint-Rémy et à Pierre-Latrèche. D'accord. Et la Tota Compagnia a choisi, en partenariat avec les autres, les artistes. Et est-ce qu'il y a une trame, est-ce qu'il y a un thème général du festival? Le thème général, c'est le jeune public. C'est le jeune public. Voilà, c'est de faire des spectacles qui vont d'une tranche d'âge de 2 à 18 ans. Donc, ils ne sont pas tous destinés de 2 à 18 ans. Il y en a, c'est plutôt de 2 à 4. Il y en a, c'est plutôt de 4 à 6. Et voilà, des tranches d'âge. Donc, chaque spectacle correspond à une tranche d'âge. D'accord. C'est la deuxième édition. Oui, c'est la deuxième édition. Comment s'était passée la première ? La première s'est très bien passée. Cette année, c'est un tout petit peu plus compliqué à cause des baisses de subventions de la région. On maintient, on essaye de résister malgré tout, de montrer que c'est un festival qui est très soutenu par les collectivités autour. Et on espère que ça va être un succès autant que la première pour pouvoir en faire une troisième et continuer comme ça. C'est une période longue, ça dure quasiment 20 jours. Oui, parce qu'il y a deux temps forts. Donc, la première semaine, c'est des rencontres en fait avec les artistes, et le deuxième temps, c'est des spectacles. Donc, on trouve ça intéressant d'avoir le point de vue de la création depuis les artistes, pour après mieux appréhender leur spectacle et montrer qu'il y a du travail derrière un spectacle, que ça vient pas comme ça, qu'il faut quand même une idée, du travail. Et donc, la première semaine, c'est les rencontres, et les deux dernières semaines, c'est les spectacles qui se passent donc pendant les vacances de la Toussaint, ce qui permet de dégager du temps pour les enfants. D'accord. Et justement, les écoles sont impliquées dans le... Les écoles sont invitées. Il y a des rencontres avec des scolaires qui sont déjà organisées en dehors du programme officiel. Mmh. Voilà, donc on verra ce qu'il en est, s'il y a beaucoup d'élèves qui viendront. D'accord. C'est bien ça, cette idée de faire une sorte d'explication de texte, j'ai envie de dire. Oui, et puis de voir, parce que parfois on mystifie un peu les artistes, on a l'impression que c'est des personnes inabordables ou qui vivent dans un autre monde, et de voir que c'est des personnes réelles qui réfléchissent, avec qui on peut échanger, et ça ajoute, je pense, une plus-value au spectacle en fait. D'accord. Comme c'est très long, on ne va pas parler de tout parce qu'il y a plein de choses. Où est-ce qu'on peut se renseigner pour avoir le programme complet, puisque ça a commencé le 7 et c'est jusqu'au 29 octobre dans le Toulois, donc on le rappelle. Oui, donc le festival Rancart d'automne. Vous pouvez vous renseigner sur le site internet www.rancartdautonne.com. Mmh. Et puis vous trouverez des brochures un peu partout dans le Toulois, dans les offices de tourisme, des choses comme ça. Mais le mieux, ça reste encore le site internet. Et puis voilà. D'accord. Bah écoutez. Ah oui, si, je voulais vous parler des tarifs. Donc les rencontres sont gratuites. Oh. Non, mais c'est bien déjà. Oui, voilà. Après, les spectacles, c'est 5 euros la place, mais vous avez des passes après. Pour 3 spectacles, c'est 13 euros. Et pour 5 spectacles, je crois que c'est 20 euros. Voilà. D'accord. Donc, oui, c'est des tarifs plutôt abordables. Oui, on essaye d'avoir un public très large, de montrer que la culture est ouverte à tout le monde. Donc, voilà, c'est une politique tarifaire qui va avec. Je rappelle quand même, donc ça se passe dans le Toulois, c'est organisé par la compagnie Tota Compagnia, entre autres. Entre autres, oui. Voilà. Et c'est la deuxième édition donc, du festival Les Rancarts d'automne, qui ont lieu du 7 jusqu'au 29 octobre. Donc en fait, là pour l'instant, si j'ai bien compris, on est dans la période rencontre. On est dans la période rencontre, oui. Mercredi, il y a la prochaine rencontre avec le Théâtre du Cristal. Autour du spectacle Ailleurs. D'accord, très bien. Donc ils vont nous expliquer... Comment ils ont travaillé. Ce qui est intéressant d'ailleurs, parce que le Théâtre du Cristal, il travaille à partir de témoignages d'habitants ou de personnes qu'ils rencontrent. Et donc il y a un côté très réaliste dans leur pièce. Et là, Ailleurs, c'est sur l'immigration, le fait de... C'est deux immigrés qui se rencontrent et qui ont peur de se rencontrer l'un l'autre au début, puis qui apprennent à vivre ensemble... à se soutenir dans l'adversité, on va dire. Et c'est un spectacle totalement muet, donc qui est tout sur le sentiment, l'expression de l'altérité. Voilà, donc c'est un processus qui est vraiment intéressant et qui, je pense, intéressera le public. Donc ça, c'est le processus de création, excusez-moi, qui aura lieu mercredi. Oui, mercredi à 14h à Domèvre-en-Haye. Et la représentation, parce que tant qu'à faire d'aller voir la présentation. Et la représentation aura lieu vendredi 21 à 15h à Domèvre. D'accord, très bien. Voilà, c'est un exemple de. C'est un exemple. C'est un exemple de ce que vous pouvez voir au festival Les Rancarts d'automne, organisé par les MJC de Toul, entre autres, et la Tota Compagnia. Vous pouvez nous reciter aussi les partenaires. Le territoire nord-toulois et le territoire empreinte. Donc MJC et Tota Compagnia. D'accord. Eh bien, merci beaucoup. Je vous rappelle donc les Rancarts d'automne. C'est du 7 au 29 octobre. C'est la deuxième édition. Ça se passe dans le Toulois. Et c'est organisé, comme on vous l'a dit, par plein d'associations du Toulois, dont la Tota Compagnia. Merci beaucoup, Coralie. Au revoir. Au revoir. 94 de Service Compris. L'émission qui vous réveille sur Fadjet.